qui a mordu. Yo aimé, mon ami, voilà. Yo aimé, maman a bobé mon cœur. Bakotika la couleur, c'est pas comme un col au col à ma cala et à mon cœur. Zali koyo kande sua lokula de fine na yonda ko moko.